Chapitre 3. Catherine partit le surlendemain. Jusqu'au dernier moment, Mathilde avait espéré que le mauvais temps la retiendrait. Mais rien n'y fit, et à 9 heures, ayant servi le petit déjeuner, rangé les bols sur le buffet et enveloppé le pain dans une serviette, elle vint prendre congé. Elle avait pour tout vêtement, sous ce froid de décembre, la robe mince qu'elle portait le jour qu'elle s'était présentée, avec en plus un fichu de laine noire qui couvrait ses épaules et se nouait dans le dos. Cependant, un air de bonheur était répandu dans toute sa personne. De colère, Mademoiselle Solange l'eût calottée. Mais il leur restait encore la chance fragile qu'elle revint, et ne voulant pas la perdre, elle esquissa une manière de sourire en réponse à ses adieux. Catherine traversa le jardin, ouvrit la porte, la sonnette fit entendre un petit bruit cotonneux, et le silence retomba. Le 26, dans l'après-midi, et comme elle l'avait assuré, elle revint, apportant en cadeau une poule et des œufs de chez ses parents. Mademoiselle Solange la remercia brièvement, car il lui déplaisait d'être l'obligée d'une servante. Mademoiselle Mathilde, soulagée d'une grosse inquiétude, elle aurait juré que la fille ne reparaîtrait plus, lui fit un accueil moins réservé. Sa sœur le lui reprocha en termes hautains. « On ne parle pas à ces gens autrement que pour leur donner des ordres. » Après quoi, l'existence reprit, toute pareille. En ces 3 jours d'absence, l'ouvrage s'était accumulé, et Catherine dut travailler presque sans prendre de repos pour regagner le temps perdu. Mais la fatigue semblait n'avoir pas de prise sur elle. Cependant, avec la semaine finissante, elle donna des signes de lassitude et de distraction. Il arriva qu'à diverses reprises, Mademoiselle Solange dut lui faire observer que la neige n'avait pas été balayée devant la porte ou que les miettes de pain traînaient sur la table de la cuisine. Ce n'était que détails. Ils suffirent à souligner un changement dans son regard, sa façon de répondre, et une sorte d'inquiétude qui la faisait traverser le jardin sans raison, regarder la route, ou bien encore, pendant qu'elle balayait le salon, s'arrêter et soulever le rideau. Un jour que ces demoiselles, aidées de leur servante, rangeaient des pommes dans le fruitier, la sonnette de la porte tinta. Une visite était chose si insolite que toutes trois demeurèrent immobiles. Catherine, essuyant ses mains à son tablier, se disposa à aller ouvrir. Déjà à l'arrivée au seuil, Mademoiselle Solange, traversée d'un soupçon, l'arrêta. « Restez, j'y vais. » Catherine rougit. Mademoiselle Mathilde remarqua que ses mains tremblaient et dit « Qu'est-ce que vous avez ?»« Moi, rien, » balbutia la fille. Les yeux de la demoiselle semblèrent se faire plus petits, comme il arrivait chaque fois qu'elle concentrait sa méfiance. Ils n'étaient plus alors que 2 points noirs, cerclés de jaune, d'un éclat si aigu qu'on en pouvait soutenir la fixité. Mademoiselle Solange entra, les sourcils rapprochés. « Qu'est-ce que c'est ?» s'enquit Mathilde. « Rien, un mendiant. » Après quoi, elle disposa encore quelques pommes sur la planchette, ferma l'armoire à double tour et, suivie de sa sœur, regagna le salon. Sitôt qu'elles furent seules, Mademoiselle Mathilde répéta la question qu'elle avait posée l'instant d'avant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mademoiselle Solange entr'ouvrit la porte, s'assura que Catherine n'écoutait pas, puis tira une enveloppe de dessous son fichu. Une lettre pour Catherine. Une lettre pour Catherine? Parfaitement. De qui cela peut-il être? Ah, voilà. Elle restait debout face à face avec, entre elles, l'enveloppe posée sur le guéridon. Depuis des années, le facteur avait désappris le chemin de leur maison, et il fallait que ce fût pour cette fille de miséreux qu'il le retrouvât. Aussitôt, leur esprit envisagea diverses hypothèses. Ses parents qui la rappellent, des gens qui lui offrent plus cher pour nous la prendre à leur service. Ceci leur parut l'évidence même, et Mademoiselle Solange ne manqua pas de souligner sa prévoyante sagesse. Avais-je raison de ne pas vouloir lui accorder ce congé? C'était fatal. Elle a vu d'autres filles. Ces drôlesses causes entre elles se montent la tête. Si on ne lui avait pas permis, elle nous aurait plantés là. J'aurais préféré, prononça Mademoiselle Solange. La rage d'avoir cédé une fois lui faisait oublier l'ennui de perdre une domestique qu'on pensait avoir si bien asservie. les grandes passions de la vie lui demeurant étrangères, elle n'appliquait son orgueil de Saint Béodat qu'au fait mesquin de l'existence quotidienne. Mademoiselle Mathilde jeta les yeux sur la suscription de l'enveloppe et plissa la bouche. « Ce ne sont pas des gens de qualité. » Mademoiselle Solange réfléchissait, sa sœur reprit. « Qu'allons-nous faire ?»« La chasser. » « Et si ce n'était pas ce que nous croyons ? Ensuite, nous serions bien avancés. Je suis d'avis de ne rien brusquer. Et moi, je suis d'avis d'ouvrir cette lettre. » Il était rare que Mademoiselle Mathilde contredît son aînée. Cette fois, cependant, elle se permit de soulever une objection. Ouvrir une lettre était chose grave que la morale et les juges défendent et punissent. Mais Mademoiselle Solange cria qu'elle se moquait des juges. Et quant à une morale qui permet les abominations de la chair. Ensuite, elle passa à des arguments plus précis. La duplicité de Catherine ne faisait pas de doute. Dès lors, quels égards méritait une fille capable de dissimuler ainsi, ou des gens assez indélicats pour tenter de débaucher une servante chez ses maîtres? Mademoiselle Mathilde en convint, autant pour force de l'argument que poussée par la curiosité, et tendit les ciseaux. Mais Mademoiselle Solange se ravisa. Non, pas ainsi, ce soir, à la vapeur. Et ayant glissé l'enveloppe dans son corsage, elle s'assit. Quand la nuit tomba, Catherine vint prendre place à leur côté. Ces 2 heures de travail en commun leur parurent interminables. À chaque mouvement qu'elle faisait, Mademoiselle Solange croyait entendre l'enveloppe craquer entre son corset et sa chemise, et s'il arrivait que Catherine, courbée sur son ouvrage, cambra le buste pour se délasser, Mademoiselle Mathilde baissait vivement les yeux sur son tricot. Puis ce fut l'heure du dîner, la dégustation traditionnelle du tilleul rose, et la demie de 8 heures sonna. Catherine allait et venait toujours dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'elle fait ? » grommela Mademoiselle Solange, oubliant qu'elle-même avait ordonné, le matin, avant l'arrivée du facteur, qu'on récurât les cuivres. Enfin Catherine éteignit sa lampe. On entendit son pas dans l'escalier et le grincement de la porte. Alors, sur la pointe des pieds, elles entrèrent dans la cuisine et mirent de l'eau à chauffer. Dès qu'elle fut bouillante, Mademoiselle Solange tira la lettre de son sein et la tendit à la vapeur. Bientôt, la pointe se souleva. Mademoiselle Solange la tira prudemment entre le pouce et l'index, et le triangle entier suivit. Elle n'avait pour s'éclairer qu'une chandelle et la flamme bleue de la lampe à alcool, et comme leurs mains tremblaient d'abord, elles ne purent déchiffrer les lignes tracées d'une encre pâle, en lettres mal formées. Malgré cela, Mademoiselle Mathilde parvint à lire, penchée sur l'épaule de sa sœur. « Mademoiselle Catherine, j'ai gardé si bon souvenir des moments que nous avons passés ensemble, que je serais bien venue vous dire le bonjour un de ces soirs, mais comme vous m'avez dit que c'était dangereux, je me contente de vous envoyer cette lettre par la poste. Toutefois, si je pouvais venir ou que vous pourriez, de votre côté, trouver un moment, ça me serait bien agréable. Recevez les plus tendres baisers de votre ami, Félix Chenevoix. » Mademoiselle Solange s'attendait à tout, hormis à cela, et l'indignation lui arracha un cri. « La saleté !» Cette misérable et ce gueux se serait accouplée sous ses yeux, son dégât n'en eût pas été plus violent. Elle l'étranglait de colère. Les mots lui semblaient torduriers, les phrases pleines de sous-entendus obscènes. Et c'était pour ça que cette fille leur avait mis le marché en main. 3 mois de sagesse, de propreté, c'était trop pour cette ordure. Les enfants à soigner, les parents à embrasser. Oui, da, un homme pour se rouler sur elle, un mâle, ni plus ni moins qu'une chienne. Je te le dis qu'elle sentait l'homme quand elle est revenue. Ah, ils ont dû s'en payer de leur saleté pendant 2 jours. Mademoiselle Mathilde écouta sa sœur évoquer de monstrueux tableaux, comme au jour qui avait suivi son veuvage. Mais alors, elle ne comprenait pas. Les mots de péché, de luxure, ceux plus précis de blessures horribles, de pénétration sauvage, étaient pour elle dépourvus de sens. À les entendre, elle se sentait à la fois glacée d'épouvante et mordue par une curiosité inavouable. Combien de fois le soir, regardant Solange se dévêtir, n'avait-elle pas cherché à découvrir sur son corps la trace de ses violences détestables? Combien de fois les nuits d'été, faisant semblant de dormir, n'avait-elle pas, allongée en travers du matelas jusqu'à le dépasser du buste, guettait le geste qui fait les cuisses se détendre sous la pesanteur du drap, et le repoussait pour surprendre le secret de cette blessure et le sceau dont l'acte le marque. Mais jamais le voile ne s'était entr'ouvert, et voici que maintenant, perdant toute mesure, soulevé de colère, Mademoiselle Solange le déchirait en termes crus, commentant ses imprécations de hoquet et de gestes, mimant l'accouplement, attestant son ventre stérile, sa bouche arrachée au baiser et ses mamelles sèches, d'une ignominie inexpiable. Son ton se haussait au point qu'elle dut la calmer. « Prends garde, elle pourrait t'entendre. »« Qu'elle entende, ou plutôt, je vais l'empoigner moi-même et la flanquer dehors. Plus de pourriture dans cette maison, point !» Elle se ruait vers la porte. Une fenêtre mal fermée s'ouvrit, et un vent glacial s'engouffra dans le corridor, chassant la neige sur les carreaux. « Écoute, murmura Mathilde, peut-être vaut-il mieux attendre, il fait si froid. »« Qu'elle crève !» gronda Mademoiselle Solange. « Oh, je ne me préoccupe pas d'elle, mais de nous. L'hiver commence, mesure ce qu'il en reste. Janvier, février, mars, avril peut-être. Souviens-toi, il y a 2 ans, quand il fallait casser la glace. Et puis au dégel, l'eau qui coulait de partout, le linge qui ne séchait pas, les sabots qui enfonçaient dans la boue. Non, vois-tu, le plus sage est de patienter. Au premier beau jour, nous la renverrons. Jusque-là... » Mademoiselle Solange refusait encore. Sa sœur dut lui dépeindre sa mauvaise santé, évoquer cette pleurésie dont elle avait manqué mourir. Alors, peu à peu, elle faiblit. Restait la lettre. On la cacheterait tant bien que mal, et la fille ne s'apercevrait de rien. La lampe s'était vite éteinte. La chandelle à demi fondue sur un de ses flancs dardait une flamme fumeuse. Dehors, 2 chats s'attaquèrent avec des miaulements féroces. Mademoiselle Solange y discerna comme un défi et cria « Non, non, ce n'est pas possible !»« Allons, puisqu'au printemps nous la jetterons dehors. »« Voilà que tu claques des dents, pourvu que tu n'aies pas attrapé de mal. Couchons-nous, va !» Mademoiselle Solange obéit lentement, le front baissé. « Au printemps, au printemps, c'est maintenant, par cette immense et implacable nuit qu'elle eût aimé chasser la bête immonde. »